sera le premier. Mais égal dans notre cœur à celle qui te suivra, dont tu seras l'aîné. Tu devras la protéger. Elle sera si belle et fragile. Défends-la dans la ville, entoure-la. Et elle saura t'aimer. Tu n'es encore qu'un nom sans visage, mais je te vois dans les yeux de ta mère. Sois patient si tu ne peux être sage. Sois un enfant aussi longtemps que ton père. Un jour, tu seras là et tu liras ces mots. Étonné d'avoir été pensé, surpris d'avoir vécu si tôt. Peut-être m'en voudras-tu d'avoir souhaité Eléa avant toi. Mais les pères ont des désirs avares et les mères des rêves dans la voix. Et au bout de nos cœurs, il n'y a que notre enfant. Fils ou fille, je n'ai pas peur d'avoir à lui donné mon temps. Et si tu cours moins vite qu'elle, alors tu viendras ensuite. Mais égal dans notre cœur à celle que tu suivras, c'est elle qui t'invite. Viens, n'aie pas peur si tu le veux. Notre maison n'a pas de clé spéciale. Nos yeux, pas de haine du bleu. Nos voeux, pas de forme idéale. Si tu cours